Quelque chose, je te vois encore. C'est toi, la vie t'a tiré au sort. Elle nous prie de ta présence. Olesko, on s'échangeait les mêmes fautes au dos. À peu près les mêmes cartables jusqu'au big stylo. Les années passent et voilà ce que vaut la vie. Dans ton tchécard, tu as laissé des larmes qui coulent à tout va. La vie n'a tenu qu'un fil envers un homme honnête et costaud. Pourquoi c'est les mauvais qui restent? Ton image restera indélébile. De Paname jusqu'à Poitou, bien sûr, là où tes sauces sont. Là où tu faisais ton tour d'horizon. Là où tu aimais shooter dans le ballon. Tu as souffert, tu as su faire. Tu as su dire des choses qui choquent ainsi que des mots qui touchent au cœur. Tes tics nous manquent, tes potes, tes types. Même ce que tu voyais rarement te demande, c'est dément. J'ai trop de choses à dire, tant de mots à écrire. T'inquiète, pour notre projet, j'aurai du grand promis. Notre ami Kekson, pense à toi. Le Dieu du ciel t'a appelé. Tu es là-haut, car ton âme s'est envolée. Un peu trop tôt, si tu m'entends, si tu es de là-haut. Et notre ami Kekson, pense à toi. Le Dieu du ciel t'a appelé. Tu es là-haut, car ton âme s'est envolée. Un peu trop tôt, si tu m'entends, si tu es de là-haut. T'as appelé, tu es là-haut, car ton âme s'est envolée. Un peu trop tôt, si tu m'entends, si tu es de là-haut. Oh, notre ami Kekson, pense à toi. Le Dieu du ciel t'a appelé, tu es là-haut, car ton âme s'est envolée. Un peu trop tôt, si tu m'entends, si tu es de là-haut. Ton nom circule encore même dans les coins de rue. Même énervé nous faisait sourire, car c'est rare, on n'en verra jamais un deuxième toi. Les jours passent et deviennent des mois sans te voir. Je sais, toi, de là-haut tu nous regardes les yeux grands ouverts, mais en bas, si seulement on pouvait te dire allô. Alors qu'il est, je te dédie cette musique. Mon cœur bat si fort, les larmes arrivent. Ce son c'est pour toi, Kekson. Zut, pourquoi es-tu parti si vite, tu sais. Certains ont changé depuis, mais pas tous. Mais laisse, tu es sacré dans le cœur d'un amour secret. J'aurais mis ça prix pour que tu sois plus près. En ce moment même, Kekson, je lève le doigt. Oh, direction toi, je prie pour toi, ma foi. Oh, oh, tout de mon cou une croix. Oh, notre ami Kekson, on pense à toi. Oh, oh, le Dieu du ciel t'a appelé, tu es là-haut. Car ton âme s'est envolée un peu trop tôt, si tu m'entends. Si tu es de là-haut, je te vois. Oh, Kekson, encore. T'as tiré au sort, elle prie de ta présence. Repose en paix, frérot, là-haut. Et...